blues. L'aspira l'internet de blues. J'atteins les portes de la perception. J'entrevois un nouveau monde. Le monde de la réinsertion. Comme Marco, faut se bouger. Comme Bobé, faut geler. Même à McDonald's. Comme Marco, faut bouger. Comme Bobé, faut geler. Comme Marco, faut bouger. Comme Bobé, faut geler. À cette putain de CGT.